Le couvert était mis. Sylvie faisait bouillir le lait. Madame Vauquet allumait le poêle, aidée par Vautrin, qui fredonnait toujours. « J'ai longtemps parcouru le monde, et l'on m'a vu de toutes parts. » Quand tout fut prêt, Madame Couture et Mademoiselle Taillefer rentrèrent. « D'où venez-vous donc si matin, ma belle dame ? » dit Madame Vauquet à Madame Couture. « Nous venons de faire nos dévotions à Saint-Étienne-du-Mont. Ne devons-nous pas aller aujourd'hui chez Monsieur Taillefer ?»« Pauvre petite, elle tremble comme à la feuille, » reprit Madame Couture, en s'asseyant devant le poêle, à la bouche duquel elle présenta ses souliers qui fumèrent. « Chauffez-vous donc, Victorine, » dit Madame Vauquet. « C'est bien, mademoiselle, de prier le bon Dieu, d'attendrir le cœur de votre père, » dit Vautrin, en avançant une chaise à l'orpheline. « Mais ça ne suffit pas. Il vous faudrait un ami qui se chargeât de dire son fait à ce marsouin-là, un sauvage qui a, dit-on, 3 millions, et qui ne vous donne pas de dot. Une belle fille a besoin de dot dans ce temps-ci. » « Pauvre enfant, » dit Madame Vauquet. « Allez, mon chou, votre monstre de père attire le malheur à plaisir sur lui. » À ces mots, les yeux de Victorine se mouillèrent de larmes, et la veuve s'arrêta sur un signe que lui fit Madame Couture. « Si nous pouvions seulement le voir, si je pouvais lui parler, lui remettre la dernière lettre de sa femme, » reprit la veuve du commissaire ordonnateur. « Je n'ai jamais osé la risquer par la poste. Il connaît mon écriture. » « Ô femmes innocentes, malheureuses et persécutées !» s'écria Vautrin en interrompant. « Voilà donc où vous en êtes. D'ici à quelques jours, je me mêlerai de vos affaires, et tout ira bien. »« Oh, monsieur !» dit Victorine, en jetant un regard à la fois humide et brûlant à Vautrin, qui ne s'en émut pas. « Si vous saviez un moyen d'arriver à mon père, dites-lui bien que son affection et l'honneur de ma mère me sont plus précieux que toutes les richesses du monde. » Si vous obteniez quelque adoucissement à sa rigueur, je prierai Dieu pour vous. Soyez sûr d'une reconnaissance. J'ai parcouru par tout le monde, chanta Vautrin d'une voix ironique.